Lundi matin au boulot, assis derrière mon bureau, elle est venue me parler des fiches de paie et des congés. Barbara ne m'en veut pas, elle était plus bonne que toi. Notre amour est bien plus beau qu'une sodomie au bureau. Je n'aime que toi, Barbara. Cette petite femme si vicieuse excite même la photocopieuse. Elle me rapporte mon café, elle me réclame sa fessée. Barbara ne m'en veut pas, elle était plus bonne que toi. Notre amour est plus canon qu'un doigté en réunion. Je n'aime que toi, Barbara. Barbara. Barbara ne m'en veut pas, elle était plus bonne que toi. Notre amour est plus meilleur qu'une pute dans l'ascenseur. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi, Barbara. Barbara.